C'est encore la nouba ce soir. Pas moyen d'arrêter de boire. Je vais pas rester à la maison à regarder ma boîte à con. J'ai mieux une cirrhose hépatique qu'un cancer du sang surcritique. Je préfère les seins blancs des filles à toutes les soirées en famille. Promis ce soir, je n'en bois qu'un, ou alors deux, ou alors plein. Mais peut-être que ce serait bien mieux si je ne promettais rien. J'abuse avec modération, carpe diem est mort au con. Expérimenter les limites, c'est ma posture philosophique. Alcoolique, alcoolique. Si le monde était moins décevant, je boirais moins beaucoup souvent. Alcoolique, alcoolique. Si la vie était moins tragique, je ne serais pas alcoolique. Il y a une bombe atomique qui me fixe l'air extatique. Elle a dû repérer l'odeur, je sens l'homme moderne en chaleur. Je devrais être pris de panique. Heureusement, je suis alcoolique, alors je reste flegmatique et je lui lance un regard cosmique. Je plonge en son âme intrinsèque et j'enflamme la discothèque d'un pas de danse un peu mystique. Elle admire mon assurance, mon sex appeal la met en transe. Je le suppute, elle est séduite, déjà à la volupté la bite. Alcoolique, alcoolique. Si le monde était moins marrant, je boirais moins beaucoup souvent. Alcoolique, alcoolique. Si la vie était moins comique, je ne serais pas alcoolique. Je l'aborde de l'air angélique, et puis l'on boit un gin tonic, puis une vodka tonique, et puis un n'importe quoi tonique. Qu'importe le futur quand on aime vivre. Parce que j'ai le vent. J'ai la tête comme un Spoutnik, les cernes de l'inspecteur Derrick et une haleine antiseptique. Mais je brûle comme un four en brique. Ça me perturbe la phonétique, me cause quelques soucis d'optique. Mais c'est quand même assez pratique pour chauffer les filles sympathiques. Alcoolique, alcoolique. Si le monde était plus différent, je boirais moins beaucoup souvent. Alcoolique, alcoolique. Si les choses étaient moins identiques, je ne serais pas alcoolique.